Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a reçu en audience le 30 juin Salvador Antonio Valdés Mesa, membre du bureau politique du Comité central du Parti communiste cubain et vice-président du Conseil d'État de la République de Cuba, en séjour dans notre pays comme envoyé spécial de Raúl Castro Ruz, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et sa suite. Il a rencontré l'envoyé spécial cubain et sa suite avant de s'entretenir. Félicitons chaleureusement la visite en Corée de l'envoyé spécial du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et de sa suite, le maréchal Kim Jong-un a estimé cette visite comme une occasion importante dans le développement des rapports de deux parties et de deux pays, Corée et Cuba. Il s'est montré satisfait à la réussite du 7e congrès du Parti communiste cubain et à la nouvelle élection de Raúl Castro Ruz au poste de premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain. Il a dit que, puisque le camarade Salvador Antonio Valdés Mesa a informé en détail le Parti du Travail de Corée du 7e congrès du Parti communiste cubain, nous avons su mieux les problèmes auxquels le Parti communiste cubain accorde l'importance, ainsi que la volonté du parti, du gouvernement et du peuple cubain attaché comme toujours à la cause socialiste anti-impérialiste. Apprécions très important le 7e congrès du Parti communiste cubain pour renforcer son rôle directeur et faire progresser la cause socialiste, le maréchal Kim Jong-un a formulé les salutations militantes et les encouragements sincères au parti et au peuple cubain en lutte pour édifier le socialisme conforme à leur pays. Il a fait remarquer que, bien que la Corée et Cuba se trouvent éloignées géographiquement, elles luttent dans une tranchée de la lutte commune anti-impérialiste et qu'auprès du parti, du gouvernement et du peuple cubain, il y a toujours le parti du travail, le gouvernement et le peuple coréen, et il s'est montré certain du développement continu des relations d'amitié et de coopération traditionnelles entre les deux parties et les deux pays. Salvador Antonio Valdés Mesa a transmis les salutations cordiales de Fidel Castro Ruz et de Raúl Castro Ruz adressées au respecté camarade Kim Jong-un, dirigeant suprême du peuple coréen. Il a remercié le respecté camarade Kim Jong-un qui s'est intéressé en profondeur au programme de leur séjour et s'est entretenu avec eux malgré le temps pressé pour conduire en tête l'édification d'une puissance socialiste. Il a dit que c'est un grand honneur pour lui de transmettre en personne au respecté camarade Kim Jong-un, qui continue parfaitement la cause révolutionnaire des camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il, grands leaders du peuple coréen, les salutations cordiales du camarade Raúl Castro Ruz, pour lui féliciter chaleureusement l'élection au poste de président du Parti du Travail de Corée, au 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Il a affirmé que les rapports d'amitié entre les deux pays établis par les grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il avec les camarades Fidel Castro Ruz et Raúl Castro Ruz se développent dans l'intérêt particulier du respecté camarade Kim Jong-un et du camarade Raúl Castro Ruz et que c'est l'orientation invariable du parti et du gouvernement cubain de développer sans cesse les relations d'amitié et de coopération bilatérales. Il a indiqué que le 7e congrès du Parti communiste cubain a souligné de nouveau la volonté de Cuba de ne jamais abandonner le socialisme et de le développer en permanence, et de développer toujours les rapports solidaires avec tous les pays comme la Corée qui ont soutenu traditionnellement et historiquement la révolution cubaine. Les problèmes importants d'intérêt commun du Parti du Travail de Corée et du Parti communiste cubain, les succès et expériences remportées dans les activités de parti et l'édification socialiste de deux partis et de deux pays y ont été informés réciproquement et les opinions sur la situation internationale ont été échangées au sérieux avant de tomber d'accord dans tous les problèmes. Salvador Antonio Valdés Mesa a transmis au maréchal Kim Jong-un le cadeau de Raúl Castro Ruz. Le maréchal Kim Jong-un en a exprimé sa reconnaissance et s'est fait photographier en souvenir avec l'envoyé spécial cubain et sa suite.